Bonjour. Donc, le 2 janvier 2024, bon, j'ai eu comme tout le monde mon jour de l'an. Ça permet de recevoir de la famille que je vois jamais. Ben, une fois par année. Ça fait toujours plaisir, puis ça a été bien plaisant. Donc, par rapport à l'année qui vient, si on regarde ce qui se passe, ce qui se passe. Regarde au Japon comment l'année commence. C'est ça. Puis aussi, vous avez ce qui se poursuit au Moyen-Orient, à l'extraordinaire. Hypocrisie. Hypocrisie. C'est quoi la vraie moralité? La moralité, c'est le discernement entre le bien et le mal. Puis c'est pas le bien et le mal au sens, on l'entend d'habitude, mais disons des forces disharmonieuses de destruction versus des forces harmonieuses de construction. L'affaire, c'est qu'on vit dans un monde où il y a reconstruction et déconstruction constante. Ça fait partie de la dynamique du monde. C'est certain que, dépendamment de ce qui est intégré au niveau de la conscience des masses, moins il y a de conscience d'intégrer, plus il va y avoir des forces de destruction. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va faire place avant des forces de reconstruction. Les forces de déconstruction, si on peut dire, sont actives, alors que les forces de construction, à première vue, sont passives au début. Donc, c'est plus long. C'est plus long. Puis ça procède par étapes. Par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est qu'on le veuille ou pas, là, puis qu'on soit d'accord avec les mots ou pas, c'est de l'épuration ethnique, puis c'est un génocide. On ne peut pas le voir autrement. Puis vous avez toutes les grandes corporations américaines qui appuient, dont McDonald's, les restaurants McDonald's, qui fournissent en aliments sales. Mangez pour mon Dieu, c'est très bien. Mangez-en le plus possible. Mangez-en le plus possible. Mais le fait est que je ne suis pas en train de prendre position contre Israël. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est plus contre un gouvernement d'un certain type, puis certaines idéologies qui sont mortifères, puis qui vont avoir des retours, des chocs en retour. Donc, il va y avoir des forces de déconstruction, de destruction. On ne peut pas faire autrement maintenant, dans le sens que. Ben, c'est par l'expérimental que ça va se faire. On n'a pas de conscience collective encore. Ou c'est morcelé. S'il y a des consciences collectives, c'est morcelé. Donc, c'est certain que ça va beaucoup jouer sur l'année. Ça va déterminer beaucoup de choses. On peut déjà voir se profiler plein de choses. Par rapport au terme génocide, le génocide, c'est pas obligé d'être, pas obligé d'exterminer une population. Au premier degré, de façon drastique. C'est aussi culturel, le génocide. Ça peut être très, très subtil, très, très. Prenez le Québec. Le Québec. Vous avez l'agenda de Durham, McDonald's et compagnie. Personne n'est au courant, je veux dire, au sens de la population. Vous voyez, là, Guy Nantel, là, qui est tout le temps tellement motivé à nous montrer l'ignorance crasse de ce qu'on pourrait appeler la majorité ou la moyenne. Les gens, vous leur demandez, c'est qui les pères de la Confédération canadienne? Ils ne le savent pas. Ils sont pas au courant. Ils savent pas c'était qui Lord Durham, c'est McDonald's. Le fait est que c'est très, très clair. On ne peut pas les accuser d'être hypocrites, puis le fait est qu'ils l'appliquent. Pourquoi? Parce qu'il y a un agenda de destruction des identités nationales. Qu'elles soient des identités nationales au sens où on l'entend habituellement, comme on pourrait dire, bon, il y a les Italiens, il y a les Français, ou des identités nationales moins claires, comme les Acadiens ou les Canadiens français, par exemple. Ils continuent d'avancer leur agenda, puis personne ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on a été mal éduqués exprès. On a été mal éduqués exprès. On s'en rend pas compte. Prenez le taux de natalité au Québec, c'est pareil que partout. Mais moi, d'après moi, c'est pire au Québec. Prenez l'inflation. Pourquoi l'inflation est pire au Québec? Montréal a un port stratégiquement positionné. La province de Québec est stratégique. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui est voulu là-dedans. Il y a quelque chose qui est voulu là-dedans. Si on regarde notre taux de natalité, ils n'ont même pas été capables de trouver un bébé de l'année, semblait-il. J'ai écouté, comme j'étais avec la famille, j'ai écouté les émissions de fin d'année un peu. Sauf Infoman, parce que lui, je suis pas capable. Mais vraiment pas, là. Dans ce temps-là, je me trouve d'autres choses à faire. Qu'est-ce que j'ai écouté donc? En direct de l'univers. En direct de l'univers. C'était très, très, très subtil. Mais tout le long, c'était anti-chrétien, vraiment. C'était très, très étrange. L'affaire, c'est pas parce que là, je vais être le chrétien qui veut défendre le christianisme à tout prix. C'est pas ça le but. L'affaire, c'est d'au moins le voir. Pourquoi c'est attaqué? Ben parce que ça faisait partie d'une identité qu'on a déconstruite. C'est voulu. En direct de l'univers, c'était des tunes genre prière païenne, des affaires de même. L'animatrice, dont je me souviens plus le nom, à un moment donné, a dit quelque chose par rapport à la résurrection du Christ, mais qui n'a rien à voir, dans le fond, ça c'est lié à Pâques, pas à la natalité. Mais c'était un invité qui venait après la pause. On va avoir notre résurrection du Christ à nous, blablabla. Puis elle se croise les bras sur la poitrine avec les mains sur les épaules pour dire ça. C'est très très subtil, puis je suis même pas sûr si c'était volontaire tant que ça. Mais le fait est que ça se voit. C'est visible. Prenez le bye-bye. C'était vraiment mauvais. Vraiment, vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Mais est-ce que ça a déjà été bon? Peut-être dans le temps des années 70, dans le temps qu'il n'y avait pas le Berval, puis comment elle s'appelait, elle, qui était très très jolie, là, Danielle Ouimet, puis bon. Elle est encore jolie, là, je suis pas correct de dire qu'elle était très très jolie. Quelqu'un qui a bien vieilli. Ouais, là, c'était pas pire. Mais maintenant, maintenant. C'est incroyable la polarisation qui se fait. Puis, vous avez vu comment ils ont traité Poilievre? Puis le pire, c'est que je suis pas un fan de Poilievre, là. Mais c'était tellement grossier. Puis c'est tellement pour polariser les opinions. Puis c'était pas drôle. Ben franchement, là, c'est ce que j'ai à dire, c'était pas drôle. Puis c'était plate à mort. Dans ce sens-là, je fais autre chose. Mais je l'écoutais un peu. C'était soit bon. C'était pas bon. Je vois pas quoi dire d'autre. Mais c'est aussi, il y avait un paquet de petits. Prenez ce qu'ils ont fait par rapport aux toilettes mixtes, ces choses-là. Les parents sont montrés comme des crétins, des imbéciles. Quoi, c'est quoi? Va être aux tartistes d'élever les enfants? De faire leur éducation? Guylaine Tremblay puis Claude Legault, là. C'est vous autres, là, les valeurs. On est un peuple qui est en train de disparaître de plein de façons. Moi, je suis content de recevoir de la famille parce que, comme ça, je peux voir mon petit-neveu. Puis mon petit-neveu, ben, je pensais même pas que je verrais ça, dans le sens que je pensais pas que ma nièce aurait des enfants. Au moins, il y a une petite partie de Eugène qui va se perpétuer. Mais il risque, puis je suis toujours content de voir que, bon, il est quand même en santé, il est né pendant la période qu'on connaît, puis bon. Puis ça a l'air de bien aller, puis il a l'air d'un développement normal, puis intelligent, très intelligent, il parle beaucoup. Il est très jeune pour parler comme ça, puis pourtant. Donc ça fait toujours plaisir, mais il reste que c'est très peu. Très peu, dans le sens que d'ici quelques générations, ça tout va être complètement différent. À un moment donné, dans Direct de l'Univers, il était question de soirée canadienne, Madame Brisson. Mais Madame Brisson, je la connaissais, puis je la regarde des fois. Moi, quand je regarde ça me crée une certaine mélancolie, puis ça me crée un petit peu de peine. Pourquoi? Parce que d'éveiller comme ça, j'ai connu ça quand j'étais enfant. Puis c'est en train de disparaître et ça va disparaître. Ça va disparaître. Pourtant, ça faisait partie de l'identité canadienne-française. Mais on était conditionné à en avoir honte. Aujourd'hui, la soirée canadienne, la plupart des gens écoutent ça pour rire. Puis ça a l'air caricatural. Il y a un décor avec une grosse croix. Quand j'étais enfant à l'école, nous, on avait une photo du pape dans la classe, il y avait un crucifix, puis c'était très important. Pourtant, quand je vois les journalistes de maintenant qui vont dénigrer des choses, puis on dirait qu'ils n'ont pas eu d'eux autres vraiment ces éducations-là, ou bien ils s'en foutaient complètement. Comme la fois là où un journaliste qui voulait rire de la CAQ confondait dans les évangiles là, la résurrection de Lazare avec vous savez, il y a un épisode avec un paralytique qui est descendu d'un toit, puis ils confondent ça. Puis j'avais d'ailleurs fait une vidéo pour dire vous êtes vraiment médiocre. Vous êtes vraiment médiocre. Au moins, si vous voulez vous attaquer à quelque chose, étudiez-le un peu avant de dire n'importe quoi. Parce que c'est honteux. C'est réellement honteux. Mais il semblerait que va falloir faire avec. Puis là, c'est pas. Je ne suis pas en train de dire, ben là, il faut baisser les bras puis abandonner. Baisser les bras puis abandonner. C'est pas ça que je dis. Mais on n'a pas le choix de constater. Moi, ce que je dis, c'est au moins le constater, le voir. C'est déjà un début. C'est déjà un début. Est-ce que, vous savez, la population au Québec, il y a une baisse démographique, surtout depuis quelques années. Il y a beaucoup, beaucoup de décès, dont de la surmortalité dont on ne parle pas. Puis, est-ce que c'est une politique d'encourager les naissances que notre gouvernement a? Non, c'est une politique d'immigration. D'ailleurs, François Legault l'a admis que c'est un parti de gauche. Dans le fond, il a été voulu de détruire l'identité canadienne-française par des gens qui, au fond, la méprisent. La méprisent. Prenez le PQ. Le PQ, il y avait Jean-François Lisée qui était dans le PQ. Le PQ, c'était une coalition droite-gauche réunie par un même désir d'indépendance nationale. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Lisée? Il a congédié l'aile droite. C'est ça qu'il a fait. Supposément, c'est un monsieur qui est dans la conscience parce que sa conjointe est dans le supramental, si on peut dire. Si on peut dire. Et c'est ça. Donc, au niveau de la politique, ça fait longtemps qu'on se fait avoir. Moi, je suis de ceux qui pensent que le PQ a été créé dans le temps qu'il y avait l'aérienne de Pierre Bourgault, puis on voulait quelque chose d'inoffensif dans le fond, puis j'ai tout le temps considéré que ça avait été créé pour capter les énergies de la volonté d'indépendance nationale de façon à faire en sorte que l'indépendance ne se fasse jamais. René Lévesque, qui est le cousin du père de ma mère, c'était un journaliste de Radio-Canada. Il y a eu l'affaire Morin. Vous savez, le Morin qui avait fait de l'espionnage, on peut dire, à l'interne du parti. C'était lié entre autres au fédéral, à la GRC. Puis quand ça s'était su, M. Lévesque avait pas trop réagi. On dirait que. Un peu comme s'il savait. Puis moi, je pense que. Vous savez, au niveau des médias, on nous montre tout le temps au niveau d'autres pays, comme en Afrique, en Amérique du Sud, on nous montre des irrégularités. Des irrégularités, comme si nous, on était exempt de tout ça, comme s'il n'y avait pas d'irrégularité au Québec. Donc, quand René Lévesque dit, si j'ai bien compris, vous me dites à la prochaine fois, il évite de parler du fait que la population avait été conditionnée pour que ça ne marche pas, puis qu'il y a eu des irrégularités. De la même façon que moi, je pense que le référendum de 95, que le oui. Moi, à mes yeux, c'est évident qu'il y a eu des irrégularités, on va le dire comme ça. Puis d'ailleurs, à l'époque de Trudeau père, si l'indépendance s'était faite dans les années 80, il y avait un plan antifédéral au cas où il y aurait une trahison de leur agent, si on peut dire, qui refuserait de trahir leur propre peuple, au cas où il y avait un plan militaire pour empêcher le Québec d'être démocratiquement indépendant, c'est-à-dire qu'il y aurait eu une non-reconnaissance de l'indépendance, des sous-marins dans le Saint-Laurent, puis vous savez, un peu une répétition de la crise d'octobre. Mais ben franchement, la crise d'octobre, prenez les nationalistes qui ont le plus dénoncé certaines choses par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'élite coloniale canadienne. anglo-saxonne, ben c'est souvent des gens de gauche. Puis ça aussi, on dirait que c'est voulu. Prenez Pierre Falardeau, je l'aime bien, Pierre Falardeau, mais c'est un homme de gauche. Donc, cette espèce de dénonciation mélancolique, mélodramatique, qui, à mes yeux, manquait de structure. Un peu, on est trop dans l'ironie de notre propre sort. Ça, c'est typique de nous. Donc, François Legault baisse dans les sondages, il était plus impopulaire. Oui, mais c'est voulu. Je veux dire, ça fait partie d'un scénario. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas garder les mêmes agents tout le temps. Il faut alterner. Comme au Québec, longtemps, ça alternait entre PQ libéral, PQ libéral, comme il y a longtemps, ça alternait entre conservateur libéral, conservateur libéral. Maintenant, il n'y a même plus ça alterne même plus, là, dans le sens que il y a juste de la gauche au Québec au niveau politique. Il n'y en a plus de. Il n'y a plus rien d'autre. Puis là, quand je vous parle au niveau de la droite, je parle pas de la droite comme elle a été définie au niveau des politologues, puis comme elle a été aussi comme les gens ont été conditionnés à la voir. À la voir. C'est quoi la droite, à mes yeux? C'est quoi la droite à mes yeux? Ben, c'est au niveau de préserver l'identité canadienne-française. Mais entre autres, je parle au Québec au niveau du réel nationalisme. Je parle pas de nationalisme identitaire, c'est moins idéologique que ça. Au fond, c'est plus concret que ça. C'est une question de survie. C'est une question de survie. C'est pour ça que, d'une certaine façon, l'Église a été, dans le passé, notre allié. Pourquoi? Parce qu'il y avait une politique nataliste qui était liée à la survie d'un peuple minoritaire. Malheureusement, ces instances-là, moi je considère qu'elles nous ont trahis. Elles nous ont trahis. En tout cas, ils n'ont pas rempli leur mandat, puis ils nous ont trahis, puis ces instances-là, moi, je les considère comme des traîtres à la nation. Je considère l'Église catholique au Québec comme traître à la nation, traître à sa mission, comme n'ayant pas été capable de remplir ses promesses. Là, je ne parle pas au niveau des individualités, où je ne blâme pas un individu, c'est au niveau collectif institutionnel. Puis aussi, le fait que c'est une institution qui avait ses propres défauts. Mais il reste qu'il n'y a plus personne qui a une politique nataliste au Québec ou qui fait la promotion de la survivance de ce que sont les Canadiens français au niveau de l'identité, mais pas au sens identitaire comme on l'entend habituellement, ce qui a été diabolisé par les universités, mais au sens d'une identité collective réelle qui est liée à la voix du sang, ce qu'on pourrait appeler la vocation d'un peuple qui vient de Vox, une voix. Comme une voix intérieure, mais aussi ça peut être voix avec un X, comme ça peut être voix avec un E. Donc, nous avons été trahis, trahis, trahis depuis la conquête, à répétition. Prenez les patriotes. C'était suicidaire, puis ça servait à justifier de la répression contre la population. Vous savez, au 19e siècle, dans le temps de Papineau, à mes yeux, ça pouvait pas faire autrement. C'était évident que ça allait faire ça. Ça a servi après à justifier une politique encore pire à l'encontre des Canadiens français, par rapport à la Confédération qu'est le Canada. Mais vous savez quoi? Ce que je peux rien faire, je fais le choix conscient. Pas trop m'en occuper. Par contre, on peut en parler. On peut en parler. C'est tellement long. C'est tellement long pour que le réveil d'un peuple se fasse. Au niveau collectif, tout est toujours plus long. C'est pour ça que c'est peut-être mieux de s'adresser à l'individu. Puis à un moment donné, ben, par l'addition d'individus, je ne veux pas le collectif. Mais soyons clairs. Les Canadiens français en tant que peuple. Si on regarde ses particularités, c'est un peuple qui est peu instruit, C'est un peuple qui est pas riche au niveau individuel. Je parle d'une prospérité économique d'une classe moyenne. Alors que si on regarde en prenant un pas de recul, le Québec devrait être un des endroits les plus riches d'Amérique du Nord par ses ressources. Mais nous avons été trahis systématiquement, comme à l'époque où Duplessis donnait presque nos ressources. Lui, il disait ben, il fallait développer les infrastructures d'exploitation de la ressource. On va faire un partenariat où, oui, des étrangers vont venir s'enrichir avec notre ressource, mais c'est le prêt à payer pour développer l'industrie. Ensuite, on sera indépendant puis riche de notre propre source. Le problème, c'est que la phase B du plan ne s'est jamais faite réellement. Puis on accorde encore, je veux dire, le gouvernement est encore à genoux devant des corporations, surtout quand ils ont des amis liés à des CA, des choses comme ça. Prenez Fitzgibbon, qui veut que les Canadiens français se privent au niveau de l'électricité. Pourquoi? Pour fournir des industriels, au fond. Puis c'est toujours en pure perte finalement quand ces industries-là ont exploité une ressource, puis qui ont rentabilisé, puis tout, ils partent. Ils partent. Puis je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. Vous le voyez comme moi. Donc, puis après, ils nous laissent avec les dégâts. Plus c'est à nous de payer pour décontaminer, pour réaffecter. Donc, c'est inacceptable au fond, mais pourquoi c'est accepté? Parce qu'on a été conditionné à pas le voir. D'un autre côté, c'est le combat de qui ça? Ça peut pas être mon combat à moi tout seul. Il faut que ce soit le combat de tout le monde. Là, d'un autre côté, moi, je pense pas que le collectif canadien-français, je pense pas qu'il va, au niveau de sa conscience collective, je pense pas qu'il va être capable. Il va falloir que d'autres choses interviennent pour nous préserver. Pour nous préserver, puis parce qu'on ne sera pas capable par nous-mêmes. Il faut que certaines forces interviennent. Puis on nous a coupé de certaines choses. On veut nous couper de certaines choses. Prenez, moi j'étais pour il y a envers 2011-2012, moi j'étais pour qu'on enlève le crucifix à l'Assemblée nationale, à condition qu'une majorité de la population soit d'accord. Puis François Legault, c'était une de ses promesses de ne pas l'enlever. Puis il y avait une majorité de gens qui voulaient qu'on le laisse là. Puis il l'a enlevé. Il l'a enlevé. Ça, c'est de la trahison, puis c'est antidémocratique, puis c'est insultant pour le peuple. Mais on est un peuple qui est habitué de se faire humilier, puis qui dit rien, puis qui se rend même pas compte que. Mais juste ça a commencé comme ça, lui, quand ils ont pris le pouvoir. Puis c'est une des premières choses qu'ils ont faites. Non. C'est pas acceptable. Pourquoi? Parce qu'il y avait une majorité de Canadiens français qui étaient contre. Au niveau de la démocratie, il fallait le laisser là. Il y en a des catholiques qui disent « Oh, la démocratie, c'est une hérésie. » Relisez le livre des rois. Relisez Samuel. Le prophète Samuel, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qu'il dit Yahvé au prophète? Fais ce que le peuple te demande. Fais ce que le peuple te demande. Ils veulent un roi, donne-leur un roi. Toi, ta job, c'est de les avertir de ce qui va arriver s'ils ont un roi. Mais t'as pas le droit de les empêcher d'en avoir un. Fais ce que le peuple te demande. Puis il souffrira de son roi. Puis après quelques générations, peut-être que. Mais non. Non, non, il dit la démocratie est une hérésie. Les aspirations d'un peuple, c'est pas une hérésie. La survie d'un peuple, c'est pas une hérésie. Ça n'a rien à voir. Puis c'est pas en se donnant des gugus comme un roi. Puis, je veux dire, moi, ça me fait bien rire, par exemple, les royalistes comme il y a en France. Voyez-vous Louis de Bourbon, chef d'État? Ça va ressembler à comme dans le temps de Louis XVI. Necker et compagnie. Les États généraux, puis finalement la ruine. La ruine de la France. Prenez l'indépendance américaine. Comment s'est faite l'indépendance américaine? C'est grâce à la France. Grâce à la France. Puis, Louis XVI disparaissant, ils ont... C'est comme si vous empruntez un très gros montant d'argent à quelqu'un, puis après vous le faites éliminer pour pas avoir à le rembourser, entre autres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient beaucoup l'image de Louis XVI ou du petit Louis XVII qui est décédé en prison. Mais le fait est que ben même ça a commencé sous Louis XV, puis même j'ai envie de dire avant. La décision de Louis XIV de s'engager dans la guerre de succession d'Espagne, son espèce de comme d'orgueil démesuré, aussi son espèce d'ambition pour la France qui était irréaliste au prix du sang du peuple. Il a laissé la France tellement endettée, puis après vous avez le prince régent. J'aime mieux Louis XIV que le prince régent. Faut le faire. Bon, après vous avez Louis XV. Là, il commence à se préparer une prise de pouvoir de la monarchie. La monarchie va être éliminée. Une prise de pouvoir par la finance. Par la finance. Puis comment qu'ils ont fait? Jeanne Poisson. Hein? Jeanne Poisson qui avait été dressée comme un petit chien. Qui a été jetée encore très jeune dans les bras de Louis XV. Parce que Louis XV. Après, quand Madame Poisson, c'est-à-dire la Pompadour, Madame de Pompadour, est devenue plus vieille, connaissant Louis XV, il fallait lui jeter du plus jeune dans les bras. Hein. C'est une maquerelle, là. C'est une maquerelle. Puis, pendant qu'il était occupé à. Parce que vous prenez Louis XV, sa personnalité. On l'appelait le soleil noir. C'est quelqu'un de dépressif chronique. D'agoraphobe. Imaginez être à Versailles et pas être agoraphobe. C'est pour ça qu'il a fait rediviser des grandes salles en petites pièces, en petits appartements. Ouais. C'est donc, comment est-ce qu'on manipule un peuple? Il faut tout d'abord lui mettre un gouvernant corrompu. Ou bien, s'il ne l'est pas, l'étudier, voir ses travers et le corrompre. Puis finalement, tout ça s'achève avec Louis XVI. Catastrophe économique, les États généraux, Necker. Là, ça, je fais pas mal. Louis XVI, par inconscience et inintelligence, a signé son arrêt de mort. C'est ça, je veux dire, il était plus intéressé à la mécanique, à la serrurerie et à l'horlogerie que au bonheur de ses peuples, au fond. Ces gens-là vivaient dans une bulle qui était entretenue par des gens qui avaient intérêt à ce qu'ils vivent dans une bulle. Regardez le petit Trianon de Marie-Antoinette, sa crèmerie, puis... Aujourd'hui, c'est exactement les mêmes techniques. C'est exactement pareil. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Des Jeanne Poisson, il y en a en masse. Des maquerelles qui jettent des petites filles ou des jeunes hommes, des jeunes garçons dans les bras de gens qui ont le pouvoir pour les corrompre, puis les faire chanter, les gouverner, au fond les diriger, les téléguider. C'est ça qu'on a. Je peux pas le démontrer, je peux pas le prouver, mais j'en suis certain. Parce que qui a bu boira, dans le sens que le passé garant de l'avenir. Puis en étudiant le passé, en perçant les formes du passé, si on a une capacité de transposition puis de synthétisation, on peut voir que toutes ces techniques-là de mise à mort des peuples au niveau identitaire, de manipulation des peuples, l'invention même de notions de peuple, tout ça est encore là. Tout ça est encore là. C'est les mêmes techniques. Exactement. Prenez le protocole des sages de Sion, qui est considéré comme un faux. Peut-être que c'est un faux créé dans le temps des pogroms en Russie, puis, mais le fait est que les techniques qui sont imposées dedans, ce qui est écrit dedans, c'est réel. Une des choses que j'ai fini, même jeune, là, par comprendre par rapport à Hollywood, c'est que dès qu'il y a une réalité, on ne veut pas que le peuple la considère comme réelle, on en fait de la fiction par la culture populaire. Puis là, vous essayez d'expliquer certaines choses aux gens, puis ils disent, oh, c'est dans les films, ça. C'est dans des films, ça. Il y a des gens qui s'inquiètent pour ma plante, ils trouvent que c'est tilleul. Inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Parce que ce que j'ai fait, j'ai mis plusieurs plantes. Ben là, je change de sujet, là. J'ai mis plusieurs plantes de types différents dans le même pot. Puis, je les laisse s'arranger. Puis, non, j'ai pas envie de la tailler. Je veux voir ce qu'elle va faire. Je l'étudie, je regarde. C'est étrange parce qu'il y a autant de lumière là que là. Mais ma plante est portée à venir vers moi. Hein? Mais j'ai pas envie de tailler. Puis. Non, je veux voir ce que ça va faire. Il commence à pousser des petites. C'est sûr que si je coupais les bouts, là, ça se développerait plus, ça deviendrait plus fourni. Mais ça priverait de lumière d'autres. J'ai essayé de créer une sorte de tour d'écosystème, si on peut dire. C'est une sorte d'écosystème. Puis je fais confiance à ces plantes-là pour venir à bout entre elles, de collaborer, pour créer une sorte d'équilibre qui fait qu'elles vont survivre et s'adapter. Moi, je les aide un peu, mais pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. Des fois, je regarde les gens qui parlent de certaines choses dont je parle aussi, qui ont connu certaines affaires que j'ai connues aussi. Puis des fois, je viens à la conclusion, je suis pas le plus insensible, mais je suis peut-être le plus rough, dans le fond. Puis je remarque souvent, ben, peut-être, je suis reconnu dans ma famille comme ayant le pouvoir, mais je traite durement les plantes. Peut-être que je traite durement les gens aussi, sans m'en rendre compte. Bon, c'est pas mon genre hein, de boire en public. Mais là, c'est le temps des fêtes. C'est le temps des fêtes. Ah, vous connaissez ça? Il y en a qui pensent que j'haïs les Anglais, que j'haïs les Allemands. Ben non. Pas tant que ça. Vous connaissez Hildegarde de Bingen? Ben, il y a probablement que les plantes qu'elle a répertoriées pour leurs vertus, il y en a là-dedans, comme l'angélique. C'est drôle, là, je n'ai jamais fait la liste des ingrédients qu'il y a là-dedans, mais c'est l'hiver que j'achète ça. D'habitude, le reste de l'année, je bois du gin. Mais bon, c'est drôle, là, il n'y a plus d'eau tonique dans les pharmacies. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maudit que j'aille Jean Coutu. C'est pas une pharmacie, c'est un pocheur et un marchand de cosmétiques. Poursuivez-moi en diffamation, puis je vais aller expliquer pourquoi je dis ça. Donc, je voulais acheter de l'eau tonique l'autre jour, puis il n'y en a pas au dépanneur, il n'y en a pas dans les pharmacies. L'eau tonique, ça devrait être disponible partout, mais les gens, ça fait plus partie des mœurs, ben, pourtant. Non, non, ils préfèrent boire de la Red Bull, puis. La quinine qu'il y a dans l'eau tonique, ça entre aussi dans la composition, me semble, de ce qu'on appelait l'eau forte, qui avait été créée pour traiter la malaria. Bon, à ce niveau-là, ça se guérissait pas, mais l'eau forte permettait. Je veux dire, on a tellement de connaissances. Je parle pas de savoir, je parle des connaissances. Que d'autres gens ayant des connaissances veulent faire partir des mœurs. Pourquoi? Ben, si vous savez vous soigner vous-même avec les remèdes d'antan, il y en a qui font plus de profit. C'est pour ça que j'ai ma propre pharmacie. Donc, moi, pour que je consulte, il faut que le problème soit vraiment que je peux pas moi-même. Je peux pas. À un moment donné, j'en avais parlé avec David Lévesque. Puis j'ai été obligé d'aller au Prieuré. Il a fallu que. Bon. Puis il me disait, ouais, tout ça a ses limites, la médecine chinoise. Moi, mais ici, j'ai pas accès à un médecin. J'ai pas accès à un médecin comme j'en voudrais un. Donc, je fais mon possible, mais je suis pas médecin. J'ai ma propre pharmacopée. Mais je veux dire, ce que je connais. Des médecines traditionnelles d'Extrême-Orient, il reste que c'est limité. Et j'ai pas accès à un médecin comme je voudrais. Il faudrait que j'aille à Montréal ou Toronto quand je corresponds avec. C'est certain, ils peuvent pas m'ausculter, ils peuvent pas. Vous savez, un médecin, un certain type de médecine, bon, il observerait mes yeux, il me prendrait le pouls de plein de façons pour voir l'état de mes organes internes. Mais j'ai une bonne santé. Très bonne santé. Puis à mes yeux, la santé est liée au psychisme. C'est-à-dire que je considère le corps physique comme une densification, une cristallisation de principes plus subtils. Puis je pense que la maladie a des fonctions. Ça fait partie de la mentalité, la fausse réalité qu'on nous implante de force. Comme si la maladie est un mal. La maladie est un processus où le corps se défend et se reconstruit. À mes yeux, la maladie, ça a une certaine positivité. On voit plus ça comme ça, c'est plus comme ça. Il y en a un bonhomme qui en a parlé comme ça. Savez de qui je parle. La maladie a une job à faire. La maladie a ses raisons. On dit le cœur a ses raisons, la maladie a ses raisons. Il y a juste le réel en lui-même qui englobe tout, qui n'a pas de raison. Lui, il y a une réalité implacable. Bon. Ben, je vous souhaite une bonne année 2024. Mais il faut être réaliste. C'est-à-dire que toute ma bonne volonté, tous mes vœux peuvent pas modifier le réel. C'est à vous, ça, de le faire. Puis il y a quelque chose que je tiens à dire, c'est que si réellement vous êtes votre allié, votre propre allié, dans le sens que vous allez vraiment selon votre intérêt réel, il est tout à fait normal de vouloir aller vers le bon, le vrai, le bien. C'est quoi donc? Je m'en mêle là. Le bon puis le bien, c'est pas mal pareil, hein? Le beau, le bon, le vrai. Pourquoi? C'est une question de vibration, tant qu'à moi. Je m'en suis jamais caché. J'aime les grosses villas. J'aime les grosses maisons. Les parquets cirés. Les tapis turcs. J'aime ce qui est beau. Ce qui est réellement beau. Parce qu'on vit dans un monde de plus en plus laid. À partir des années. Je dirais à partir des années 20, tout s'enlaidit, dit, tout est devenu laid, tout est devenu. C'est une question de sensibilité. Je suis peut-être au fond une sorte de dinosaure. Pourtant, je veux dire, l'ère industrielle des années 1900 est pas si loin. Mais moi, c'est vers ça que ma sensibilité me porte. J'ai besoin d'être dans un environnement que je trouve beau, harmonieux. C'est pour ça que j'aime les beaux objets. C'est pas parce que je suis matérialiste, parce que c'est lié à la vibration derrière les formes. Il n'y a pas de mal à vouloir aller vers le confort. Puis là, je parle pas un confort psychologique. Parce que si vous sortez du psychologique, vous n'allez pas entrer dans du confort, mais au moins vous allez sortir de l'inconfort. Parce que j'ai fait mon possible pour aider les gens à y entrer, y aller. Mais c'est normal, vous avez le droit. Vous avez le droit de vouloir mieux. Vous avez le droit de vouloir être à votre aise. Malgré que quand on les événements, l'expérimental, nous force à intégrer de force, oui, vous allez vivre dans l'inconfort, de la pauvreté, de la laideur. Mais il faut que ce soit juste une phase. On n'est pas pour finir nos jours dans la marde. C'est inacceptable. Ça serait une trahison de l'esprit. Ça serait une trahison par les forces. C'est normal de vouloir aller vers le bon, le vrai, le beau. Ce qui est beau. C'est pour ça que j'aime les belles affaires. Un de mes rêves, ça a toujours été. Vous savez, à un moment donné, je me suis rendu compte, j'ai peut-être que j'ambitionne, puis que je suis pas réaliste. Tout ce que je voulais, c'était une belle petite maison avec une forêt, une terre à bois. Un petit poêle à bois, une place qui soit à moi, puis même ça, ils me l'ont enlevé. Je veux une grosse villa. Je veux une grosse villa Second Empire. Hein? Ils me doivent bien ça. C'est de l'illusion, là, ce que je dis là. Ils me doivent rien. Je leur dois tout. Mais l'affaire, c'est que, pourquoi pas? Je veux une grosse villa Second Empire avec des beaux parquets cirés. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi je l'aurais pas un jour? De toute façon, je vais crever comme tout le monde. Il va falloir laisser tout ça derrière soi. Prenez le Mazarin, le cardinal de Mazarin. Vers la fin de sa vie, il était très malade. Puis il était couché dans une espèce de... Comment ça? Vous savez, les espèces de divans qui sont devenus un peu à la mode au 17e, les ottomanes. Il était assis là-dedans, presque incapable de bouger. Il était très malade. Puis il faisait défiler devant lui toutes les œuvres d'art qu'il avait accumulées dans sa collection. Puis il disait dire qu'il va falloir laisser tout ça parce qu'il savait qu'il allait mourir. Ben, ça veut dire qu'il se rendait pas compte. Il se rendait pas compte que, au niveau de sa conscience, puis de sa décorporation, puis de sa désincarnation, s'il avait voulu, il aurait pu avoir tellement plus. Tellement plus. C'est tellement inacceptable d'être aussi bas de la part d'un cardinal. Prenez Richelieu. Armand. Armand Duplessis. Ben oui, c'est un Duplessis, Richelieu. Est-ce que ses parents avec Maurice Duplessis? Bon, je prends un petit verre. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, puis il est quasiment fini. C'est le temps des fêtes. Pas mon genre d'être en ivresse sur la voie publique, c'est un délit, c'est un peu ça que je fais là. Moi, je suis pas ivre là. Je suis feeling. Donc, Armand Duplessis, est-ce qu'il était barré avec Duplessis? Le cardinal de Richelieu, le siège de La Rochelle. Vous savez, moi je pense que les Canadiens français, ils se rendent pas compte de tout ce à quoi ils n'ont pas accès parce que ça a été voulu. Louis XIV nous appartient autant qu'aux Français parce que c'est avant la conquête. Les grands motets de Lully, c'est autant à nous qu'aux Français. Nous sommes des Français, la conquête, c'est une illusion. Même l'idée que nous sommes les Canadiens français, blablabla, c'est une illusion aussi, mais c'est une illusion qui peut s'avérer utile. Moi, mon premier ancêtre qui est venu au Canada, j'en ai déjà parlé, mais on ne peut pas faire autrement qu'à tenir compte de la voix du sang. Je me suis incarné dans un corps biologique, puis il y a une mémoire du sang. Mon premier ancêtre, c'était un officier du régiment de Carignan-Salières. Il était venu pour défendre Ville-Marie, qui était alors une toute petite colonie. C'est ironique de penser que mon premier ancêtre est venu pour défendre ce qui allait devenir Montréal. Puis c'était le fils du. Lui, c'était le fils. André Dillaramé, blablabla. C'était le fils du garde-chasse général de Louis XIII. Ça veut dire qu'il y a de mes ancêtres qui ont mis à mort des gens. Parce que quand vous braconniez à l'époque, le châtiment, c'était vous deviez manger au complet votre proie. Imaginez manger un cerf au complet avec les os, les cornes, les sabots. Vous étiez sûr de mourir, puis de pas finir votre repas. Il y a des gens qui ont été obligés d'avaler un lièvre au complet avec les os, la fourrure. Obligés de frapper le crâne du lièvre pour le défaire en morceaux, puis le manger en espérant qu'il allait survivre. Ça peut pas faire autrement que créer une indigestion qui va vous amener à la mort. Nous ne sommes pas des Puma. Donc, mes ancêtres ont fait partie de l'hiérarchie, ont fait partie de la petite noblesse, comme on appelait, ont mis à mort leurs concitoyens souvent en les déclarant fautifs, mais je pensais à une faux là. Ouais. Est-ce que ça pèse encore? Est-ce que c'est encore là? Il y a beaucoup de militaires dans ma famille, beaucoup de policiers, beaucoup de... Mais il y a aussi des intellectuels, des notables, beaucoup de notables. Toujours liés à la loi, souvent. Comme je vous dis, René Lévesque était le cousin du père de ma mère. L'animateur de radio, l'intellectuel Jean Lévesque, c'est aussi parent. Vous savez, n'ayant pas de descendants, je m'intéresse à... J'arrive pas à comprendre comment c'est possible d'avoir un arbre généalogique comme ça. Beaucoup d'artistes du côté de mon père, des artistes connus, dont deux acteurs assez connus au Québec, en tout cas. D'ailleurs, qui était rejeté par la famille. Il y a une des cousines de mon père qui avait été courtisée par Gilles Latulippe, puis la famille était contre. Mais c'était avant le théâtre des variétés, tout ça. Les artistes dans ma famille étaient obligés de... Il y a un cousin de mon père qui a fait du doublage, beaucoup de doublage, un acteur de théâtre. Mais mon père n'a jamais eu beaucoup de contact avec parce que la famille... Les artistes, hein? C'est pas très apprécié. Pourtant, la mère de mon père a été en avance de bien des façons. J'en ai déjà parlé. Elle avait presque été excommuniée par le cardinal Léger parce qu'elle avait refusé d'embrasser sa bague. C'est étrange qu'au niveau de la mentalité, qu'elle n'ait pas été plus ouverte que ça. Une fois, un cousin de mon père l'a amené voir une de ses tantes à Montréal. Puis mon père m'avait raconté ça. J'en ai déjà parlé. Mais bon, quand on prend un verre, on se souvient des gens qui ont été importants pour nous. Mon père m'avait raconté que son cousin l'avait amené dans une maison close, qui était une maison totalement éclairée au gaz. Imaginez, là. Ça devait être une vieille bâtisse. Il m'avait décrit ça comme étant une vieille bâtisse victorienne, une grande demeure, ce que les Français appellent un hôtel particulier qu'il y avait à Montréal. Puis, c'était tout éclairé au gaz là-dedans. Les plafonds étaient extrêmement hauts. Il y avait des baldaquins dans les chambres. Partout, des lustres victoriens éclairés au gaz. Mais cette tente-là, c'était une tenancière. C'était une maison close. Puis quand ma grand-mère a su que le cousin de mon père l'avait amené voir une de ses grandes tantes, qui était une vieille tenancière qui portait encore des corsets dans le temps, puis imaginez l'âge qu'elle avait, ma grand-mère a décidé qu'il coupait les ponts avec son cousin. Mais j'ai tout le temps pensé que mon arrière-arrière-grande-tante, qui était une tenancière de bordel, qu'elle avait peut-être que Victor Lévy-Beaulieu avait été au courant de son existence, puis qu'elle avait peut-être servi de modèle pour le personnage de Madame Félix Brisebois dans Montréal PQ. Pourquoi? Parce qu'il y a des parallèles frappants. Il y a des parallèles frappants. Tout ça pour dire que je suis prisonnier d'une voie du sang, que j'ai des gènes, puis que j'ai qui tenir du point de vue génétique. On peut pas faire autrement. On peut pas faire autrement. À moins d'expurger son sang par la lumière de la conscience. Mais je suis pas plus. Je suis pas mieux que d'autres. Je suis pas mieux que d'autres. Monsieur D, qui est décédé, il savait, lui, que j'avais des problèmes avec des mémoires, que j'étais habité par des mémoires, notamment de la Chine. Comment est-ce que c'est possible des choses comme ça? Étant enfant, j'ai vu des choses dans ma mémoire qui ne m'appartenaient pas. Une fois, j'ai vu comme ça, dans une espèce de rêve, dans un état entre la veille et le sommeil, j'ai vu. Un moine bouddhiste en méditation sur lequel on mettait une sorte de drap, vous savez, comme on fait un lit, puis ça le recouvrait. C'est juste plus tard que j'ai vu les techniques de momification vivante qui ont existé dans le bouddhisme, ce qui est une aberration. Ce qui est une aberration. Vous savez, il existe par exemple au Japon une fête où il y a une espèce de figurine en forme d'œuf déformé, je dirais plus en forme de poire un peu, où on voit une espèce de bonhomme qui n'a qu'un seul œil. Et la tradition, c'est quand vous l'achetez, vous peignez l'œil qui manque. Ce moine bouddhiste-là a beaucoup marqué les Japonais. Pourquoi? Parce que c'était un Indien, un missionnaire, si vous voulez, qui venait de l'Inde pour amener le bouddhisme au Japon. Et ce moine-là, à un moment donné, s'est mis en méditation au pied d'un mur, jusqu'à ce parfaitement immobile pendant des mois, jusqu'à ce que ses jambes et ses bras pourrissent. Cette figurine-là vient de là. Vous savez, le christianisme culturel, social, partage avec le bouddhisme des aberrations, souvent liées à la mortification. Ça sert à rien de vous mortifier. L'esprit va vous amener des épreuves, la vie va vous amener des épreuves, va vous forcer à intégrer de force. Pourquoi vous mortifier? Je suis pas en train de dire de courir les plaisirs. Je suis pas en train de dire de vous enfermer dans vos sens. Ce que je vous dis, c'est que la mortification vient d'une certaine inconscience. Parce que la mortification, on en vit toutes. Ça dépend de notre niveau d'intégration. Vous savez, l'autre jour, j'ai écouté un film sur Charles Dickens qui passait à Radio-Canada. Radio-Canada passe beaucoup de séries anglaises, puis de films anglais. Puis à mes yeux, c'est la continuité de Durham, puis McDonald's. Puis les Anglais, je les haïs pas, ça n'a rien à voir, c'est juste au fait que ben, ceux qui veulent me soumettre, je veux pas. Qu'est-ce qu'il y a des bonnes intentions, pas. Parce que c'est pas ça les lois de la vie. Ça, c'est des lois planétaires. Les lois de la vie, ça va au-delà du planétaire. Bon. Il y avait un film sur Charles Dickens. L'homme qui inventa Noël. C'était ça le titre. J'étais enragé de voir ça. Comme si Noël était né dans les années 1840 quelque. Ben, c'est un petit peu plus tard, je pense. Voyons donc. Sinon, c'est pas un auteur sinon, c'est pas un auteur britannique du 19e siècle qui a inventé Noël. Ça fait partie de la dénaturation de Noël. Savez-vous c'est quoi l'histoire de Dickens? Dickens, c'est le. Voyons comment il s'appelait l'écrivain français que Napoléon III a envoyé en exil sur une île, puis qui a écrit Les Misérables. J'ai un blanc de mémoire. Mais Dickens, c'est la version anglaise de ce gars-là. Puis Dickens, son esti d'Ebenezer Scrooge. Ça me choque. Ça me choque. Savez-vous c'est quoi Ebenezer Scrooge? C'est un homme intelligent dans le réel, réaliste, qui se fait astraliser une nuit de temps par des esprits. Il se fait astraliser une nuit de temps par des esprits. Puis le lendemain, il est complètement fou. C'est ça, l'histoire un conte de Noël de Charles Dickens. Je ferais pas un bon Scrooge. Dans le sens que envoyez-moi-en des esprits de Noël, moi les envoyez chier. Oser prétendre que je suis inconscient, puis l'astral. Savez-vous comment je reconnais l'astral? Quand vous demandez leur avis, ils répondent tout de suite. Sont placoteux. Même si on pas réponse, ils vont vous répondre quelque chose. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, ça part. Puis là, je parle pas des voix, là. Je parle des idées qui rentrent. Moi, je l'aime, Ebenezer Scrooge. Je veux dire, je trouve le personnage intelligent jusqu'à ce qu'il se fasse avoir. Jusqu'à ce qu'il se fasse avoir. Puis ça passe pour de la conscience, ça. Bon, on va dire que ça va faire. Bonne année 2024. On verra bien.